Bonsoir. Dans Autant n'emporte l'histoire aujourd'hui, Marina Tsvetaeva, une poétesse à l'épreuve de Staline. Marina Tsvetaeva appartient à cette génération à la fois merveilleuse et maudite, des poètes russes apparus avant la Première Guerre mondiale et qui seront malmenés, pour ne pas dire laminés, par la Révolution d'Octobre et tous les cataclysmes qui s'ensuivirent. Cette école poétique d'une intense créativité qu'on appelle l'âge d'argent, dont les plus célèbres représentants avec elle sont Anna Akhmatova, Ossip Mandelstam ou Boris Pasternak. Mais Marina Tsvetaeva est un être à part. Esprit libre et rebelle, amoureuse, passionnée, elle a voué sa vie à l'écriture jusqu'à l'incandescence. De la force, il lui en faudra pour résister au déchirement de l'exil, aux incessantes persécutions politiques, mais aussi au dénuement matériel qui amènera cette épouse et mère aux pires extrémités. Son œuvre poétique a longtemps été oubliée, pour ne pas dire ignorée. Il faudra attendre la chute de l'URSS pour que Marina Tsvetaeva, sans doute une des plus grands écrivains du XXe siècle, soit enfin reconnue et célébrée. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Caroline Béranger, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférences en littérature russe à l'université Caen Normandie. Vous connaissez bien la vie et l'œuvre de Marina Tsvetaeva. Vous avez préfacé la parution française de ses carnets en 2008. Comment expliquer que l'œuvre de cette écrivaine, donc née en 1892, morte en 1941, ait mis autant de temps à être connue, reconnue et traduite dans le monde ? Alors, vous savez que Marina Tsvetaeva s'est suicidée le 31 août 1941, après l'arrestation de ses proches et de sa famille, et c'est la raison pour laquelle elle est longtemps restée une poétesse interdite. C'est seulement en 1961, à l'époque du dégel, qu'on peut accéder, oui, en URSS, à une petite plaquette de poèmes. Et en 1968, Elsa Triolet va en traduire quelques-uns. La femme d'Aragon et elle-même écrivain. Ouais. Exactement. Et à partir de ce moment-là, on peut dire qu'on va progressivement découvrir la poésie de Marina Tsvetaeva. Il faut aussi se souvenir que toutes ses archives avaient été dispersées, éparpillées. Et c'est sa fille, Ariadna Efron, oui, après deux peines de relégation en 1955, après avoir été réhabilitée, qui a consacré les dernières années de sa vie jusqu'en 1975 à restituer, reconstituer tout l'héritage manuscrit de Marina Tsvetaeva, qui sont restés sous scellés jusqu'en 2001. C'était aux archives volonté. D'État. C'était la volonté de la fille. À partir de 2001, les chercheurs russes et internationaux ont eu accès à cet extraordinaire gisement d'archives et a commencé alors cette étape de transcription, édition de l'intégralité de ses œuvres. Et aujourd'hui, grâce à nos traducteurs, grâce à Véronique Loski, qui est la spécialiste en France, mais aussi les traductrices, nous avons accès à cette œuvre. Oui. Alors l'histoire que je vais raconter dans un instant commence en 1934. À ce moment-là, elle a 42 ans, donc elle est en exil en France avec son mari et ses deux enfants. À ce moment-là, il ne reste plus que Alia et Mour. Alors j'aimerais, Caroline Béranger, que vous nous rappeliez son passé jusqu'à ce moment-là. Marina Tsvetaeva disait que la seule période heureuse de sa vie, c'était son enfance. Oui, Marina Tsvetaeva est née en 1892 à Moscou, dans une famille de l'intelligentsia russe. Famille très aimante. Famille aimante, une mère musicienne, un père qui a fondé le musée des Beaux-Arts à Moscou. Elle écrit dans ses carnets que dans sa famille régnait une atmosphère chevaleresque et on consacrait toutes ses forces aux arts et à la littérature. Elle a pourtant perdu sa mère très tôt, sa mère qui était atteinte de tuberculose. Mais c'est seulement... C'était une famille relativement bourgeoise, assez riche, oui, enfin bien issue installée. De la noblesse, voilà. Comme beaucoup de poètes à l'époque. Toute la poésie du XIXe siècle est d'origine nobiliaire. Mais au début du XXe siècle, on a d'autres poètes qui émergent, comme Essénine ou Maïakovski, qui sont issus de milieux plus modestes. C'est une petite fille déjà très douée pour la poésie, elle sait qu'elle va devenir poète. Voilà, toute petite, elle écrit des vers, pas seulement en russe, mais aussi en français et en allemand. Et elle veut devenir poète alors que sa mère la destine à devenir musicienne. À 21 ans, elle écrit un poème où elle est déjà très consciente de son talent, c'est étonnant. Elle dit « éparpillée un jour », enfin elle imagine ses livres, « éparpillée dans des librairies, gris de poussière, ni lu, ni cherché, ni ouvert, ni vendu, mes poèmes seront dégustés comme les vins les plus rares quand ils seront vieux ». Oui. Elle pense déjà à sa postérité à 21 ans. Oui, c'est très surprenant cette conscience aiguë de sa postérité, et ce qui nous le montre aussi, c'est le soin qu'elle avait pour ses archives. Très vite, elle a cessé d'être publiée, on en reparlera. Mais elle savait qu'elle aurait un destin post-mortem. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. À 18 ans, elle se marie avec Sergueï Efron, qui sera le père de ses 3 enfants. Elle fréquente le monde littéraire, elle connaît un certain succès, elle a aussi des amants, des amantes. Mais arrive la Première Guerre mondiale et surtout la Révolution d'Octobre, et c'est là que les embêtements vont commencer. Sergueï s'engage dans l'armée des Blancs contre les Rouges, la guerre civile. Pendant la guerre civile, là, elle va vivre, Marina, avec ses 2 enfants, les 2 filles aînées. Le fils naîtra plus tard. Elle va vivre la misère noire, elle va connaître la famine. Oui, elle va connaître des années terribles, le chaos de la guerre civile, l'extrême violence quotidienne, la famine, la grande famine de 1919, et surtout la mort de sa fille cadette, Irina, qu'elle espérait pouvoir sauver en la confiant à un foyer. Mais en février 1920, sa petite fille meurt de faim. On en reparlera tout à l'heure, Caroline Béranger. Après la défaite des Blancs, la famille donc est contrainte à l'exil, puisque voilà, Sergueï Efron était dans le camp des Blancs. La famille part en 1922 en Tchécoslovaquie, et puis elle partira en France ensuite en 1926. Mais cet exil, il y a en France beaucoup d'immigrés russes qui ont fui la révolution russe. Cet exil ne marque pas la fin de ses problèmes avec l'URSS. On va le voir. Caroline Béranger, prend tout à l'heure cette discussion, si vous voulez bien. Tout de suite, Marina Tsvetaeva, une poétesse à l'épreuve de Staline, un texte de Marjorie Philibert, écrit spécialement pour Autant n'importe l'histoire, réalisation Baptiste Guiton. Les nuits sans celui qu'on aime, et les nuits avec celui qu'on n'aime pas, et les grandes étoiles au-dessus de la tête en feu, et les mains qui se tendent vers celui qui n'est pas, qui ne sera jamais, qui ne peut être, et celui qui le doit, et l'enfant qui pleure le héros, et le héros qui pleure l'enfant, et les grandes montagnes de pierre sur la poitrine de celui qui doit, en bas. Je sais tout ce qui fut, tout ce qui sera. Je connais ce mystère sourd-muet que dans la langue menteuse et noire des humains, on appelle la vie. Clamart, le 1er juin 1934. Chère Natacha, plus que jamais, j'ai besoin d'écrire tous les jours pour me prouver que je suis en vie. Mon cher Boris Pasternak, qui est resté en Russie, éprouve le même sentiment, peut-être encore plus fort. Le communisme, en chassant la vie vers l'intérieur, a donné une issue à l'âme. Les poètes russes écrivent, comme l'herbe pousse entre les murs des prisons, envers et contre tout. Toutes ces années passées à l'étranger, je n'ai survécu que grâce à la poésie. Je n'ai besoin de rien d'autre que d'écrire, et c'est pour cela que je ne retournerai jamais en Russie. Les romanciers comme Tolstoï ont besoin d'être sur place. Nous autres poètes préférons voir la Russie de loin, comme des myopes, tremblantes dans le flou du passé. Mais ma famille ne comprend pas cela. Parfois, ils parlent tous ensemble d'aller construire leur vie en URSS. Même mon petit Mour, qui a 9 ans. Comme si la vie était un jeu de cubes. Je leur ai expliqué que la vie devait prendre forme de l'intérieur, qu'elle était un arbre et non pas une maison. Mais s'ils partent, je les suivrai jusqu'à la mort, car mon destin est de les aimer. Je vous embrasse, Marina. En 1934, Marina Tsvetaeva vit en France depuis bientôt 10 ans. Elle et son mari, Sergueï Efron, ont été contraints de fuir l'URSS en 1922, après l'engagement d'Efron du côté de l'armée blanche contre-révolutionnaire. Mais leur vie d'exilée est précaire. et Fron, dont la santé est fragile, n'arrive pas à trouver du travail. Marina ne s'est jamais intégrée dans les cercles de l'émigration russe et peine à faire publier ses poèmes. La famille vit dans un tout petit logement à Clamart, en banlieue parisienne. Une des rares confidentes de Marina est Natacha, une amie russe avec qui elle correspond régulièrement. Mais en 1935, la situation de la famille se transforme. Sans le dire à Marina, Sergueï Efron s'est mis à travailler pour le NKVD, la police politique soviétique. Alia, leur fille, partage les convictions pro-soviétiques de son père. Tous deux rêvent désormais de rentrer en URSS. En septembre 1935, l'ambiance familiale est plus électrique que jamais. Alia, ma chérie, est-ce que tu peux aller à la pharmacie acheter du sirop pour ton frère ? Il a toussé toute la nuit. Oui, maman. Est-ce que tu peux y aller tout de suite ? Et pourquoi vous n'iriez pas vous-même, maman ? Parce que j'ai une lecture ce soir et qu'il faut que je relise mes poèmes. Voilà pourquoi. J'irai après. Il faut que je reprise mes bas. Et tu ne peux pas faire ça plus tard ? Non, je ne peux pas. J'ai rendez-vous cet après-midi pour un travail. Un travail ? Mais quel travail ? C'est un dentiste en ville qui cherche une assistante. C'est payé 500 francs par mois. Alia, tu sais que j'ai besoin de 2 heures le matin pour écrire. Si tu vas travailler la journée, tu me condamnes à ne pas écrire. Tu as pensé à ça ? Et vous ? Vous avez déjà pensé que je n'avais peut-être pas envie de travailler pour vous toute ma vie comme femme de ménage ? Alia, c'est une honte de me parler comme ça le jour de ma lecture. Et qui se soucie de votre lecture ? Vous êtes ridicule. Alia, arrête. Regardez-vous, vous avez l'air d'une folle. Vous êtes sale. Qu'est-ce qui se passe ici ? Maman me frappe parce que je ne veux plus être son esclave. Voilà ce qui se passe. Ta fille veut aller travailler chez un dentiste. Eh bien, c'est une bonne idée. Hein ? Elle ne peut pas rester éternellement à notre charge. Ah oui ? Et qui va amener Moore à l'école ? Qui va s'occuper de la maison ? Et c'est vous qui allez le faire. Je ne veux plus vivre avec vous. Oui, oui. Et où iras-tu ? J'irai vivre chez nous, en Russie. Ça y est, ça recommence. Alia, quand nous sommes partis, tu avais 10 ans. Ce pays n'est pas le tien. Alia a raison. Notre patrie, c'est la Russie. En France, nous sommes toujours restés des étrangers. Sergueï, la Russie de notre jeunesse n'existe plus. Les bolcheviks ont plongé notre pays dans la ruine. Tu le sais mieux que personne, tu as fait la guerre contre eux. La guerre est terminée, Marina. Staline n'est pas Lénine. Il a une vision pour notre pays. Grâce à lui, la Russie va devenir une nation moderne, puissante. La guerre est peut-être terminée, mais moi je n'ai pas oublié. Quand Alia et moi, on se battait avec les rats pour manger des pommes de terre pourries pendant que tu étais au front. Je n'ai pas oublié que notre fille, Irina, est morte de faim à l'âge de 3 ans dans un orphelinat. À quoi sa mort aura-t-elle servi ? À rien ? Ne parle pas d'Irina. Irina n'a rien à voir là-dedans. Irina a tout à voir. Irina est morte en même temps que tes idéaux. Je ne te permets pas de dire ça ! Mon idéal a toujours été de servir mon pays. Toujours ! Et aujourd'hui, son guide, c'est Staline. Sergueï, quand je t'entends parler, je sais pourquoi j'ai toujours haï la politique. Parce qu'elle déshumanise l'homme. Comme je déteste la ferveur dans ta voix. Comme je déteste toutes ces églises officielles triomphantes. Tu as tort. Staline aime les artistes. Il les soutient. Regarde ta sœur. Hein ? À Moscou, elle touche une pension de l'Union des écrivains soviétiques, alors que la France ne t'a jamais donné un sou. Papa a raison, maman. Ici, personne ne te connaît. Tous ces écrivains français te méprisent, alors qu'ils ne t'arrivent même pas à la cheville. En Russie, tu auras enfin la place que tu mérites. Tu seras reconnue comme la plus grande poétesse de notre siècle. Ma chérie, la seule chose que je sais est qu'un poète doit vivre dans un lieu où il est libre d'écrire, et non pas soumis au coup de ciseau d'un comité d'écrivains. Marina... Le poète russe est comme tous les soviétiques. Un homme nouveau. N'as-tu pas envie de faire partie de ces femmes et de ces hommes nouveaux ? Un homme nouveau ? Non mais voyez-vous ça ? Ben explique-moi ce que c'est, un homme nouveau. Un homme moitié taureau, moitié mouton, un taureau moutonné ? Laissez, papa. Vous voyez bien qu'elle ne comprend rien. Ma petite fille, tout ce que je sais, c'est qu'à Paris, nous sommes ensemble, tous les quatre, sans guerre, sans révolution. Là-bas, on ne sait pas ce qui peut nous arriver. Ici, on crève la faim, oui. Les enfants n'ont aucun avenir. De toute façon, on ne vous demande pas votre avis. On partira quand même, papa et moi. Et vous resterez toute seule. Et maintenant, elle renverse la litière du chat. Alia, nettoie ça tout de suite. Au fond, il vaut mieux qu'elle s'en aille. Elle me mène une vie d'enfer. C'est ta faute. C'est toi qui l'as transformé en nounou pour son frère. Et c'est toi qui lui as mis ces idées de Russie dans la tête. Elle était si gentille avant. Avec ses tresses. Mon Alia, qu'est-ce qui s'est passé? Tu devrais dormir un peu. Tu dors pas assez. Mais comment veux-tu que je dorme? Avec toutes vos histoires de Russie. Attention, tu mets des cendres partout. Et c'est une porcherie ici. Bon. Maintenant, il faut que je nettoie tout ça. Que je finisse la vaisselle. Que j'aille au marché. Oh non, le médicament de Moore. Quand est-ce que je vais relire mes poèmes dans tout ça? Cette vie me tue. En juin 1935, se tient à Paris un congrès international qui réunit les écrivains hostiles au fascisme. André Gide, Louis Aragon et André Malraux sont les organisateurs de ce colloque grandiose. Ils écrivent à l'ambassade soviétique pour réclamer la présence de Boris Pasternak. L'écrivain russe, qui soigne une dépression nerveuse dans un sanatorium près de Moscou, reçoit l'ordre de Staline de se rendre à Paris. Il arrive le 23 juin 1935. La nouvelle rend Marina Tsvetaeva folle de joie. Depuis 10 ans, sans l'avoir jamais rencontrée, elle entretient une correspondance passionnée avec Boris Pasternak. Tsvetaeva lui voue une adoration sans bornes, mais ignore que l'écrivain russe ne peut s'exprimer librement dans ses lettres, soumises à la censure. Le 24 juin, elle se rend en métro avec Sergueï et Alia à la maison de la mutualité où se tient le congrès. Ça y est, c'est terminé. Tu veux que je vienne avec toi? Non, non, Alia, Sergueï, attendez-moi ici. Je veux lui parler cela seul. Boris Leonidovitch! Quel bonheur de vous rencontrer enfin. Bonjour madame. Qui êtes-vous? Boris, voyons. Je suis Marina Ivanovna. Oh, Marina, pardon. Je ne vous imaginais pas comme ça. Oui, c'est normal. La photo que je vous ai envoyée date de mon mariage. Depuis, la vie a semé quelques fils d'argent dans mes cheveux. Excusez-moi une minute, je dois m'entretenir avec une amie en privé. Venez par ici. Je vous ai apporté un poème que j'ai écrit. Il s'intitule Le Gars. Il ne plaît pas aux Français. J'espère qu'un compatriote en comprendra toute la beauté. Tenez. De quoi parle-t-il? C'est un poème que j'ai écrit d'après un conte russe. C'est une femme qui tombe amoureuse d'un vampire. Bon, très bien. Je le lirai. Merci. Tout va bien? Marina, je ne peux pas vous parler. Je n'ai pas le droit d'avoir des entretiens privés. Pas le droit? Mais pourquoi? Ici, en Occident, les gens ne savent pas la vérité. Je ne voulais pas venir, mais je n'ai pas eu le choix. C'est le secrétaire de Staline en personne qui m'a remis l'invitation. J'ai eu peur. Mais quelle vérité? De qui avez-vous peur? Boris Leonidovitch, mon cher ami, mon âme. Savez-vous que depuis 10 ans, vos lettres me portent à bout de bras? Sans vous, sans Rilke, sans tous ces êtres qui, comme moi, ne vivent que par et pour la poésie, je serais morte depuis longtemps. Vivre dans le feu comme nous le faisons, voilà la seule chose qui m'importe. Ma famille veut à tout prix revenir en Russie, je ne sais pas quoi faire. Vous êtes la seule personne capable de me faire changer d'avis. Un seul mot de vous, et je viendrai. Chut! Taisez-vous. Qui est cet homme? Quelqu'un du Kremlin. Marina, écoutez-moi. N'allez pas en Russie. Bonjour, camarade. Je parlais à ma compatriote, la grande poétesse Marina Ivanovna. Bonjour. Et sinon, comment va votre santé? Beaucoup mieux, camarade. Je vous remercie. Le sanatorium m'a guéri de ma neurasthénie. Guéri? Mais est-ce à votre avantage? Il me semble que sans mélancolie, le poète ne saurait écrire des vers. Vous avez parfaitement raison. Le poète est un être malade. Depuis que je suis guéri, j'ai arrêté d'écrire de la poésie. Arrêter la poésie? Mais que faites-vous? J'ai écrit un roman qui parle des Kolkhoz. Pourquoi pleurez-vous? Ce n'est pas moi qui pleure, ce sont mes yeux. Ne pleure plus, Marina. Si tu vas en Russie, toi aussi tu vas aimer les Kolkhoz. Les Kolkhozes ? Pardon, mais j'ai une petite course à faire. Je dois aller dans un magasin acheter une robe pour ma femme. Accepteriez-vous de m'accompagner ? Maintenant ? Oui. J'ai une heure avant le dîner. Vous faites à peu près la même taille qu'elle. Peut-être pourriez-vous essayer des modèles ? Ça m'aiderait à choisir. Non. Non, je suis désolée, je dois rentrer. Mon mari et ma fille m'attendent. Au revoir. Merci pour votre poème, Marina. Et souvenez-vous, à Moscou, il fait froid. C'est plein de courant d'air. Le malentendu entre Pasternak et Tsvetaeva est total. Il est d'abord politique. Marina ignore tout des pressions auxquelles est soumis Pasternak. Elle pleure en entendant son idole renier la poésie. Pasternak, lui, espère qu'elle a compris sa mise en garde. Si elle retourne en URSS, elle sera forcée d'abandonner la poésie et d'aimer les Kolkhozes. À cette incompréhension s'ajoute le malentendu amoureux. Marina, qui avait rêvé une passion ardente et clandestine, est outrée que son amant épistolaire lui demande de choisir une robe pour sa femme. Elle n'a pas compris qu'il essayait de l'entraîner ailleurs pour parler plus librement. Les deux poètes ne se reverront jamais. Affectée par ce qu'elle croit être la trahison de Pasternak, Marina se réfugie dans l'écriture. Elle noircit des carnets avec acharnement, fuyant la vie de famille dans une quête d'absolu. Alia, excédée par l'égoïsme de sa mère, quitte la maison quelques mois après. Elle reste cependant très proche de son père et participe à ses activités clandestines. Sergueï Efron travaille officiellement pour une association d'aide aux immigrés russes qui lui sert de couverture. Sa mission, en réalité, consiste à recruter de nouveaux agents du NKVD et à envoyer des volontaires combattre en Espagne. Mais peu à peu, il est chargé de traquer les opposants à l'URSS. En 1936, il organise ainsi l'assassinat du fils de Léon Trotsky, Sédov, qui est liquidé dans une clinique à Paris. Mais en mai 1937, une nouvelle va abattre profondément Marina. Alia, qui a obtenu un passeport soviétique, quitte définitivement la France pour l'URSS. Vanve, le 18 mars 1937. Chère Natacha, ça y est, l'oiseau s'est envolé. Il y a 3 jours, nous avons accompagné Alia au train qui partait pour Moscou. Elle était radieuse. Dans le wagon, je lui ai remis mon dernier cadeau, un bracelet en argent. Puis j'ai fait 3 fois le signe de croix et je lui ai dit « Souviens-toi que l'essentiel dans la vie est l'être humain. Elle souhaite m'entraîner à Moscou, mais je ne veux pas. Je suis sûre que j'y mourrai tout de suite, seule contre 160 millions. Là-bas, je perdrai Moore pour de bon. Ici, après l'école, il est avec moi. Là-bas, il serait à eux tous. Les pionniers, les drapeaux. Alia, je l'ai déjà perdue. Elle n'a plus besoin de moi. Mais à travers tout, en dépit de tout, il reste l'amour maternel. Je me souviens d'une vieille ballade française. Elle parle d'un fils qui apporte à sa bien-aimée le cœur de sa mère. En chemin, il trébuche et fait tomber le cœur, et voilà que le cœur lui dit « T'es-tu fait mal, mon petit ?» Il faut tout donner aux enfants, sans aucun espoir, même quand ils tournent la tête. Je vous embrasse. Marina. À Moscou, Alia trouve du travail comme traductrice de français. En 1937, elle écrit un éloge dithyrambique de la vie en Union soviétique qui est publié en France par l'Union pour le rapatriement. Mais quelques temps plus tard, les choses se gâtent pour Efron. Le 5 septembre 1937, Ignace Reiss, un espion du NKVD, est retrouvé criblé de balles dans une voiture en Suisse. La police française arrête une dizaine de personnes qui appartiennent toutes au réseau dirigé par Efron. L'étau se resserre autour de lui et sa couverture est menacée. Le 8 octobre 1937, il est 11h du soir. Marina est en train d'écrire lorsque Sergueï rentre à la maison. Cette nuit, je suis seule dans la nuit, religieuse sans sommeil et sans maison. La tête entre les mains, écoutez un pas lourd. Est-ce que quelqu'un a apporté une lettre aujourd'hui ? Le vent balancer la forêt. Sans sommeil. Marina, je te parle. Non, pas de lettre aujourd'hui. Là ? Quelqu'un vient de glisser une lettre sous la porte. Sergueï, qu'est-ce que tu fais ? Faut que je parte, tout de suite. Mais où ça ? Tu viens me chercher pour m'emmener au Havre. Mais qui ça, on ? Et pourquoi au Havre ? Parce que demain soir, au Havre, je prendrai un bateau pour Leningrad. Leningrad ? Je suis désolé. Papa ? Va te recoucher, Moore. Papa, où est-ce que vous allez ? Je vais rejoindre ta sœur, ne t'inquiète pas. Et quand reviendrez-vous ? C'est vous qui allez venir nous rejoindre, mon chéri. C'est vrai ? C'est vrai, maman, on va aller en Russie ? Sergueï, je comprends rien. Explique-moi ce qui se passe. Je ne peux pas, je n'ai pas le temps. Mais ne t'inquiète pas, il s'occupe de tout. Bientôt, on sera tous réunis, je te le promets. Mon mari part pour Leningrad au milieu de la nuit et je ne devrais pas m'inquiéter ? Sergueï, si tu as des ennuis, il faut me le dire, je vais t'aider. Mais il faut qu'on reste ensemble, tu comprends ? Non, si je reste ici, je vous mets en danger. Et si vous restez ici, c'est vous qui êtes en danger. On n'a plus le choix, Marina, il faut rentrer en Russie. Pourquoi on est en danger, papa ? Mon chéri, va dans ta chambre. Ne discute pas. Marina, écoute-moi bien. La police française va venir t'interroger. Tu diras que tu n'étais au courant de rien et que tu ne t'es jamais occupée de politique, d'accord ? D'accord. Tu diras que je suis partie mais que je ne t'ai pas dit où j'allais. Tu as compris ? Oui. L'ambassade va vous envoyer des passeports. Si tu veux m'écrire, il faudra que tu passes par la valise diplomatique qui part deux fois par mois. Quand tu recevras une lettre de moi, tu la détruiras juste après l'avoir lue. Tu t'en souviendras ? Oui. Autre chose, tu dois arrêter tout de suite d'écrire pour les journaux. Quoi ? Et ma traduction de Pouchkine ? Et comment je vais faire pour vivre ? L'ambassade te versera une indemnité. Toi et Moore, vous habiterez aux adresses qu'on vous donnera. Dans quelques mois, vous recevrez le signal et il faudra partir tout de suite, sans le dire à personne. La voiture est là. Il faut que j'y aille. Embrasse-moi. Sergueï Yakovlevitch, souviens-toi de ce que je t'ai écrit lorsque tu étais à la guerre. Si Dieu accomplit le miracle de te laisser en vie, je te suivrai comme un chien. Je tiendrai parole. Tu ne le regretteras pas. On sera heureux en Russie. J'y vais. Dis au revoir, amour. Je peux pas. Ils attendent. Embrasse-le pour moi. Je vous aime. Le 22 octobre 1937, la police française perquisitionne l'appartement de Marina et l'interroge. Elle affirme ne rien connaître des activités de son mari et est relâchée. En attendant son exfiltration par l'ambassade, Marina cesse toutes ses activités publiques et retire son fils Moore de l'école. En juillet 1938, ils quittent leur appartement pour un hôtel à Issy-les-Moulineaux. Pendant 2 ans, leur vie est organisée par les services secrets soviétiques. On les envoie ainsi en vacances en Normandie pendant 1 mois, avant de les reloger dans un hôtel à Paris. Le 10 juin 1939, à minuit, quelqu'un glisse une lettre sous la porte de leur chambre, exactement comme pour Efron. C'est le signal. Le 12 juin, Marina et Moore embarquent au Havre dans un bateau pour Leningrad. En mer, le 15 juin 1939. Chère Natacha, hier nous avons admiré depuis le pont un coucher de soleil sublime, avec un nuage énorme, comme une montagne. L'écume des vagues était couleur framboise, tandis que sur le ciel se découpaient des lettres d'or. Le lendemain matin, calme plat. Le moteur du bateau battait comme mon propre cœur. Puis le Danemark a fait lentement son apparition sous la forme d'une forêt épaisse. Je l'ai contemplée jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Le soir, nous avons eu le droit à des danses et des chansons sur le pont. Moore était aux anges. Il y avait des Espagnols qui jouaient de la guitare avec des voix très fortes. Puis un vieux monsieur aux cheveux blancs s'est écrié « Maintenant, plus rien ne pourra nous arrêter. » Et tous les passagers ont levé le poing, comme un seul homme. 17 ans d'exil s'achèvent ainsi. Nous partons et personne ne nous accompagne, comme dit Moore, sans fleurs ni couronne. Je vous embrasse et ne vous oublierai jamais. Marina. Le 19 juin 1939, après un long voyage, Marina Tsvetaeva et son fils arrivent enfin à la gare de Moscou. Moore, donne-moi la main. Oh mais arrête, maman, je suis pas un bébé. Il ne faut pas qu'on se perde. Regarde si tu vois ton père. Maman, j'ai parlé avec un garçon dans le train, il m'a appelé le français. Tu crois que j'ai un accent français ? Bien sûr, tu parles le russe comme un petit parigot. Maman, Alia ! Alia ! Maman ! Alia ! Ma chérie ! Maman, je suis si heureuse de te voir. Je te présente Moulia, mon amoureux. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alia, ton père n'est pas là ? Non, il se repose, il est malade. Comment ça ? Qu'est-ce qu'il a ? T'inquiète pas, c'est pas grave, il est juste fatigué. Où est-il ? Chez lui, à Bolchevo. C'est tout près de Moscou. Il habite dans une maison réservée aux rapatriés, c'est très joli, tu vas voir. Et toi ? Où habites-tu ? Moi, j'habite en ville avec Moulia. Moulia, prends la valise de maman. Tu m'avais pas dit que t'avais un fiancé ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il travaille pour la police politique. Lui aussi ? Oui, et moi aussi maintenant. Rassure-toi, avec nous, tu peux te dire que tu ne risques rien. Ça veut dire que ce garçon va rapporter à la police tous nos faits et gestes, et toi aussi ? Mais non, maman ! Moulia ne surveille que les ennemis du peuple. Il sait que ma famille n'a rien à se reprocher. Si tu savais comme je l'aime, maman, il a quitté femme et enfant pour moi. Et ma sœur, comment va-t-elle ? Alia, réponds-moi. Comment va-t-elle ? Elle a été déportée. Déportée ? Mais quand ? Il y a 6 mois. Mais pourquoi tu me l'as pas dit ? Parce que j'avais peur que tu changes d'avis et que tu ne viennes plus. Mais tu te rends compte de ce que tu as fait ? Tu m'as caché la vérité, c'est criminel ! Oui, c'est très triste, je sais. Mais ça n'aurait rien changé que tu le saches, maman. Mais pourquoi ils l'ont déportée ? Et ton fiancé, là, il peut pas faire quelque chose pour elle ? À son niveau, il ne peut rien faire. Elle a été déportée parce qu'elle fréquentait un ennemi du peuple, un certain Zoubakine. Un ennemi du peuple ? Et c'est ma propre fille qui emploie ces mots ! Un ennemi du peuple ! Souviens-toi d'une chose, Alia ! Tous les poètes sont des ennemis du peuple, tous ! Parce qu'ils n'ont pas leur place sur cette terre. Ce sont des exilés. Emmenez-moi ! Maman ! Emmenez-moi ! Je suis la poétesse Marina Ivanovna Tsvetaeva ! Je suis la plus grande ennemie du peuple de tous les temps ! Maman, arrête ! Emmenez-moi ! Arrête, tais-toi ! Tu es folle ou quoi ? Ma sœur, Asya ! Je veux voir Asya ! Maman ! Pourquoi t'as crié, maman ? Mais tu pleures ? Maman, maman, calme-toi. Asya sera peut-être libérée. Beaucoup de gens interviennent en sa faveur, c'est une question de temps. Mais justement, je n'ai plus le temps, Alia. Les années me sont comptées, tu comprends ? Je vais te donner une adresse où tu pourras lui écrire. Viens maintenant, on va retrouver papa. Allez, maman, viens ! Le soir même, Marina retrouve Sergueï aux environs de Moscou, dans une datcha réservée aux agents du NKVD de retour au pays. Mais Sergueï est très fatigué. Les médecins lui ont diagnostiqué une grave maladie du cœur. Cette fois encore, la nouvelle a été cachée à Marina. Leur nouvelle vie s'organise. Sergueï et Marina cohabitent avec plusieurs familles. Marina supporte mal la vie en collectivité et trouve la maison sinistre. Malgré la présence de sa famille, elle se sent encore plus seule qu'en France. Mais le pire reste à venir. Le 27 août 1939, Alia rend visite à ses parents. Tu vas vraiment bien ce foulard. On dirait une vraie petite colcosienne. J'y vais. Oui ? Tavarish, bonjour. Est-ce que la camarade Ariana Efron est là ? Oui. Alia, il y a quelqu'un pour toi ? J'arrive. Camarade Ariana Efron, veuillez me suivre. C'est à quel sujet ? Il y a un problème ? Camarade, je travaille pour la GPO. Et mon fiancé Samuel Gourevitch aussi. Savez-vous qui veut me voir ? Veuillez me suivre, camarade Efron. Très bien. Ne t'inquiète pas, maman. N'en parle pas à papa. Il va se faire du souci. Je serai vite rentrée. À ce soir. À ce soir. Marina Tsvetaeva ne reverra jamais sa fille. Alia est jetée en prison et torturée par la police politique. Au bout de 3 semaines, elle finit par signer une déclaration affirmant qu'elle et son père sont des espions au service de la France. Suite à ses aveux extorqués, elle est condamnée à 8 ans de goulag. Sergueï Efron est arrêté à son tour le 10 octobre. Marina reste seule avec Moore, sans aucune nouvelle de sa fille et de son mari. Le 23 décembre 1939, désespérée, elle écrit une lettre à Beria en personne. Camarade Beria, je ne sais pas de quoi est accusé mon mari, mais je le sais incapable de trahison. Quant à notre fille, elle se sentait très heureuse en Union soviétique et ne s'est jamais plainte de la moindre difficulté quotidienne. Je termine cette lettre en faisant appel à votre sens de la justice. S'il s'agit d'une erreur, je vous en supplie, réparez-la avant qu'il ne soit trop tard. Marina Tsvetaeva. La lettre de Marina reste sans réponse. En janvier 1941, une lettre d'Alia arrive enfin depuis le camp de Sibérie où elle est détenue. Marina entame aussitôt une correspondance avec sa fille. Moscou, le 16 mai 1941. Chère Alia, ta lettre du 2 mai vient d'arriver. Elle a mis 14 jours. Le 26, je t'ai expédié 2 kilos de nourriture. Je vais t'envoyer un châle bleu à franges, qui est bien parce qu'il sert à la fois de châle et de couverture. Alia, si tu savais comme je m'ennuie de toi et de papa. J'en ai parfaitement assez de cette vie. Mais j'ai envie de vivre jusqu'à la fin de cette guerre pour comprendre où on va. Ne tombe pas malade, s'il te plaît. Dis-moi si tu as besoin d'un manteau imperméable. Je t'embrasse. Tiens bon. Maman. Pendant ce temps, Efron est torturé en prison, mais refuse de confirmer les aveux de sa fille. Sa résistance repousse constamment son procès. Mais le 22 juin 1941, l'Allemagne envahit l'URSS. Sous la pression de l'avancée allemande, il faut vider les prisons et les condamnés sont exécutés sans autre forme de jugement. Sergueï Efron sera fusillé en octobre 1941. Fin août, les bombardements de Moscou commencent. Moore est réquisitionné pour guetter les avions allemands. Folle d'inquiétude, Marina décide de quitter la ville avec son fils et un groupe d'écrivains qui sont évacués loin du front. Le 8 août, ils partent en bateau et débarquent à Elabouga, un village perdu en République tatare. Marina, à bout de force, doit chercher un travail et un logement. Le 23 août 1941, elle parvient à trouver une chambre dans une minuscule maison en bois. Voilà. C'est ça ? Moore, ne commence pas. C'est tout ce que j'ai pu trouver. Il n'y a même pas de table pour manger ? Non, mais il y a deux lits. Lequel prends-tu ? Celui près de la fenêtre. Quelle chaleur. C'est insupportable. On aurait dû débarquer à Tchistopol plutôt que dans ce trou perdu. Je vais y aller demain à Tchistopol. Il y a une cantine qui cherche une plongeuse. Plongeuse ? Mais c'est pas un métier pour vous, maman. Et qu'est-ce que tu crois que j'ai fait à la maison pendant 30 ans ? La vaisselle et encore la vaisselle. C'est plus du sang que j'ai dans les veines, mais de l'eau de vaisselle. Ça, au moins, je saurais le faire. Maman, vous voulez pas les fumer dehors, ça met des sons de partout. Arrête ! On dirait ton père. Sergueï, Alia, sans eux je n'y arrive plus. Pardon, maman. Pleurez pas. Depuis qu'ils les ont arrêtés, je n'arrive plus à écrire. Plus de mots, plus d'images, plus rien. C'est comme si mon esprit était devenu un trou noir. Tu comprends ce que ça veut dire ? Non, maman. Bien sûr. Pardonne-moi. Pardonne-moi de t'embêter avec ça. Demain, je vais trouver du travail et ça ira mieux. Ça ira mieux. Le lendemain, Marina se rend à Tchistopol. Mais la cantine refuse d'embaucher la femme d'un ennemi du peuple. Le 31 août 1941, désespérée, Marina Tsvetaeva décide de mettre fin à ses jours. Elle se pend en laissant une lettre d'adieu à son fils. « Moore, pardonne-moi, mais cela aurait été de mal en pis. Je suis gravement malade, je ne suis plus moi-même. Je t'aime à la folie. Dis à Alia et à papa que je les ai aimés jusqu'à la dernière minute. » En réalité, la pensée du suicide était présente dans l'esprit de la poétesse depuis longtemps. Dans son journal en 1919, elle avait écrit des lignes bouleversantes. La blessure. Un tout petit trou par lequel s'en va la vie. Je m'imagine parfaitement qu'un beau jour, je cesserai tout à fait d'écrire des poèmes. Et puisque j'ai pu cesser d'écrire des poèmes, je pourrai un beau jour cesser d'aimer. Alors je mourrai. Marina Tsvetaeva, une poétesse face à Staline, de Marjorie Philibert, avec Marina Tsvetaeva, Émilie Incerti-Formentini, Sergueï Efron, Stanislas Stanik, Alia, Mathilde Edith Ménétrier, Moore, enfant, Pauline Ziadé, Moore, adolescent, Samuel Charles, Boris Pasternak, Nicolas Gonzalez, l'agent du NKVD, Florent Houillet, bruitage, Bertrand Amiel, prise de son, montage et mixage, Manuel Couturier et Dofer Guéride, assistant à la réalisation, François Mazer, réalisation, Baptiste Guiton. Vous écoutez Autant n'importe l'histoire sur France Inter. On continue dans quelques minutes de parler de Marina Tsvetaeva avec mon invitée Caroline Béranger. Marina, Marina, tu le sais, ici tout brûle. De tout temps, ici tout brûle. Et les portes et les livres, tout ce qui porte un nom. Comment va la vie à Paris? Comment va? L'exil et la Russie, le cœur sans son toit. Tu suppliais le tsar de relâcher Radzin. Chaque pont traversé aura été coupé. Et les granges et les villes, tout ce qui porte un nom brûle. Tout ce qui porte un nom brûle. Et comment va la vie à Paris? Comment va les poèmes étouffés dans le fond du cabas? Tous les vers en saccade, freinés par l'estomac. Et l'exil, Marina, t'as réussi, comment va? Les hommes et les livres, tout ce qui porte un nom brûle. Tout ce qui porte un nom brûle. В огромном городе моем ночь, из дома сонного иду прочь, и люди думают, жена. А я запомнила одну ночь. Июльский ветер мне метет путь, и рядом музыка в окне чуть. Ах, нынче ветру до зари дуть сквозь стенки тонкие груди в грудь. Dominique A. Marina Tsvetaeva sur France Inter. Autant n'importe l'histoire est réalisé par Anne Weinfeld, assistée d'Emmanuel Fournier. Programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Sybille Clamins. Vous connaissiez cette chanson, Caroline Béranger? Oui, je la connaissais. On sent que Dominique A. était très. Il a été foudroyé par Marina Tsvetaeva. Oui. C'est une chanson très touchante. Oui. Il a restitué la haute intensité de ce vie. Qui porte un nom brûle. Voilà. C'est un vers. De Marina Tsvetaeva. Voilà. Oui. C'est l'incandescence. Pour revenir à sa mort, Caroline Béranger, c'est terrible. Elle a 49 ans, elle qui ne jurait que par la vie intérieure, la poésie, la vie spirituelle. Eh bien, est-ce qu'on peut dire finalement qu'elle a été vaincue par la vie matérielle, justement, et le cynisme du totalitarisme ? Oui, en un sens, elle a été vaincue par la pesanteur du quotidien, mais finalement, c'est aussi le destin de toute une génération du poète en Russie. Pasternak, Akhmatova ont survécu à Staline, mais tous les autres se sont suicidés, je pense à Essénine ou Mayakovsky. Et Marina Tsvetaeva a connu ce destin tragique. Aucun poète au XXe siècle n'est mort dans son lit. En Russie ? En Russie. Ils se sont suicidés, ils ont été victimes de répression, ils sont morts d'épuisement. Est-ce que Staline avait peur des poètes ? Bien sûr, il avait peur des poètes. Et d'ailleurs, ce dialogue entre le poète et le tsar, entre l'art et le pouvoir, remonte à Pouchkine. La plupart des poètes du XXe siècle ont écrit une lettre à Staline, une requête, et c'est presque devenu un genre littéraire. Et on voit à quel point là, le poète russe est exposé. Il est en première ligne face au pouvoir absolu. Parce que la poésie en Russie est très importante aussi. C'est un art très populaire qui n'est pas seulement élitiste. Enfin, en France, ça a été un art populaire, mais c'est devenu un art un peu plus élitiste. Alors qu'en Russie, c'est resté quelque chose d'important pour le peuple russe. Oui, cette poésie est très reliée à la tradition folklorique orale. Et c'est la raison pour laquelle elle est restée vivante tout au long du XXe siècle. Et surtout pendant la dictature stalinienne. Donc Staline a peur des poètes, oui. Et il espère aussi une reconnaissance de la part de la poésie finalement, puisqu'il attend des poètes qu'ils lui écrivent des odes, des poèmes entiers à la gloire de son régime politique. Voilà, il a eu peur de Mandelstam, qui a écrit aussi un poème Mandelstam, satirique. Ah oui. En 1933, alors, il écrit un poème qui est assez drôle d'ailleurs, voilà. Où il se moque ouvertement de Staline et il va être arrêté et il va mourir quelques années plus tard au Goulag. Voilà, en 1938, dans un camp de transit. Mais Marina Tsvetaeva, elle n'écrit pas de poèmes anti-staliniens. De quoi, en fait, est-elle victime ? Est-ce qu'elle est victime, finalement, de ses origines, peut-être ses origines nobles ou bourgeoises, de son œuvre poétique, ou est-ce qu'elle paye pour son exil à l'étranger, sa proximité avec Efron aussi, qui est un combattant, un ancien combattant de l'armée blanche, même s'il est devenu un agent du NKVD, ou le fait simplement d'avoir vécu à l'étranger, de quoi est-elle coupable ? D'abord, elle est complètement apolitique. Et elle ne comprend pas cette polarisation au sein de l'immigration russe. Elle a écrit des poèmes pour les Blancs, pour les Rouges. Ah oui, elle écrit un poème extraordinaire sur les Rouges, les Blancs, qui passent de l'un à l'autre. Enfin, pour elle, c'est la mort est partout, quoi. Voilà. Son absolu, sa vérité, c'est la vocation poétique. Et le reste ne l'intéresse pas. Et par ailleurs, c'était quelqu'un qui ne pouvait pas s'adapter à ce système. Elle ne le connaissait pas. Et dans la fiction, lors de la rencontre à Paris, en 1935, avec Pasternak, on voit bien qu'elle ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Pasternak essaie de la prévenir à mots couverts, mais elle n'a aucune idée de ce qui se passe au même moment en Russie, c'est-à-dire les grandes purges et la terreur. Mais c'est quelque chose qui est difficilement compréhensible de l'extérieur, c'est un peu comme la Shoah, enfin, c'est des choses qui sont impensables. Oui. Et donc, elle ne pouvait pas s'adapter à ce monde. Parce que quelle était l'issue possible pour Marina Tsvetaeva une fois revenue en 1939, alors que toute sa famille avait été arrêtée ? Elle était devenue une ennemie du peuple. Donc, soit elle allait être à son tour arrêtée et déportée, soit elle allait collaborer. Et pour elle, bien sûr, c'était pas impossible. C'était ouais. Quelque chose d'impossible à envisager. Mais on sait maintenant qu'elle a sans doute été contactée par le NKVD et notamment Aïla Bouga. On lui a peut-être... Là où elle est... oui. S'est suicidée. Voilà, oui. Exactement. Elle a été contactée par le NKVD. C'est ce que certains spécialistes affirment, puisqu'on a quand même pu avoir accès à des archives. À des archives politiques. Donc, elle ne pouvait pas accepter ça. Ce qui expliquerait alors peut-être son suicide, c'est-à-dire qu'elle est face à un choix impossible. Alors, c'est maintenant la thèse qui prévaut. Pendant longtemps, on a pensé qu'elle était dans un état pré-suicidaire depuis plusieurs années. Et d'ailleurs, son fils, Moore, le note très souvent dans son journal. Et tous ses proches les derniers jours de sa vie ont... On peut comprendre aussi qu'elle voilà, soit dans un état suicidaire, elle ne sait pas où est son mari, sa fille a disparu, elle a perdu une fille bébé qui est morte de faim, et là elle se retrouve dans une situation où on lui refuse un emploi de plongeuse dans une cantine, alors qu'elle est une des plus grandes poétesses du XXe siècle. Enfin, c'est vrai que c'est quelque chose de terrifiant. Voilà, exactement. Mais alors, aujourd'hui, on pense que c'est sans doute aussi ce contact avec les agents du NKVD qui a précipité sa mort. À ce moment-là, elle n'avait plus aucune issue possible. C'est-à-dire qu'on lui aurait demandé de collaborer. Oui, de collaborer. Donc, de surveiller, de dénoncer. Parce que ce qui a été terrible pour elle, elle savait bien sûr que son mari avait des engagements politique en France, mais elle ne s'en occupait pas, elle ne voulait pas vraiment savoir ce qu'il est. Et d'ailleurs, son mari était ne lui parlait pas de ses activités. Quand elle arrive à Moscou en 1939, là, elle commence à voir l'ampleur de la répression et le fonctionnement terrible. Elle comprend que son mari est directement impliqué dans ce système de surveillance et de délation qui conduit à des arrestations, des déportations et des condamnations à mort. C'est d'autant plus terrible que Marina Tsvetaeva, on l'a entendu, a eu une conscience très tôt de la réalité du système soviétique, du régime totalitaire de Staline. N'en déplaise à ceux qui aujourd'hui en Russie cherchent à réécrire l'histoire. Quand sa fille part à Moscou, Marina Tsvetaeva lui écrit ces mots importants. Tu dois toujours te souvenir que l'essentiel dans la vie, quoi qu'il advienne, c'est la personne. Je trouve que c'est une belle phrase. Merci beaucoup Caroline Béranger. À lire de Marina Tsvetaeva, Vivre dans le feu, confession, paru en livre de poche, Les grands poèmes, avec une postface de vous, Caroline Béranger, aux éditions des Sirtes, et Les carnets, préfacés par vous, et publiés en 2008 sous la direction de Luba Jorgensen, également aux éditions des Sirtes. Autant n'importe l'histoire, c'est terminé pour ce soir. Vous pouvez réécouter cette émission, la podcaster sur notre site franceinter.fr et bien sûr toutes celles que vous auriez manquées. J'attends vos commentaires ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, 12 juin et le dimanche suivant, 19 juin, il n'y aura pas d'Autant n'importe l'histoire en raison des soirées électorales pour les législatives. Nous nous retrouverons donc le 26 juin pour la dernière de la saison avec un personnage impressionnant, pour ne pas dire ridicule, le Kaiser Guillaume II, l'empereur d'Allemagne. Avec ses moustaches à pointe, ce monarque de droit divin très névrosé fut un de ces chefs d'État qui ne prirent pas la mesure de la guerre qu'ils ont laissé se déclencher en 1914. L'ambassadeur Cambon et l'imprévisible Kaiser Guillaume II, ce sera le dimanche 26 juin dans Autant n'importe l'histoire.